Oui, Daniel. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour un MTS, un martyr de la transition supramentale, est-ce que la transition sera plus facile s'il s'éloigne de l'antenne supramentale ou l'inverse, ou ça dépend des individus? C'est pas bien ça. C'est vrai que c'est une personne, elle n'est pas nécessairement MTS, mais effectivement, elle est en évolution parce qu'elle pose une question. Après ça, elle répond sur trois fronts différents, donc elle a un point de vue qui commence à être polyvalent, ce qui est très intéressant. Mais il lui manque encore sa propre accréditation, c'est-à-dire qu'elle répond, mais elle a besoin encore de se faire confirmer. C'est pourquoi elle me pose la question. Et je ne la confirme pas parce qu'elle n'a pas besoin d'être confirmée, elle connaît déjà la réponse et c'est très bien, c'est bien. J'ai une autre belle question pour toi, Daniel. Si vous êtes contre la spiritualité, alors pourquoi... Ah, mais je ne suis pas contre la spiritualité. Je ne suis pas contre la spiritualité. Je suis pour. Alors, la suite, c'est alors pourquoi un séminaire sur la prière? Ben voilà, premièrement, le séminaire sur la prière qu'on a fait, c'était une... On expliquait aux gens comment faire un échange avec ce phénomène qui garde les énergies qu'on place dans le monde de la mort, le ciel, depuis quelques milliers d'années. Alors, c'était un séminaire de contact avec ce Dieu pour aller chercher quelque chose, pour avoir de quoi. Et en échange, on lui redonnait quelque chose parce qu'un Dieu est un très grand créancier. Alors, c'était donc pas un séminaire dans le genre habituel sur la prière où on prie pour se faire supporter. C'était extrêmement différent. Et je ne suis pas contre la spiritualité. La spiritualité, elle est utile à tous ceux qui en ont besoin. Une autre belle question. C'est comme si j'avais deux forces en moi. C'est pas comme. On a effectivement plusieurs forces en soi. Pourquoi la mauvaise gagne toujours? Pour la simple raison que, tu me passes les papiers, ça me permet de, en touchant, de mieux... Alors, on est constitué de plusieurs phénomènes. Il y a des mémoires plus basses en vibration, des mémoires plus hautes en vibration. Il y a de l'intelligence chez l'homme. Et quand on parle de mauvaise, on parle de ce qui est plus beau en vibration. Faites un pacte avec Dieu. Ça prend du temps. Faites un pacte avec Satan, presque instantané. Satan est la réplique de l'âme, dans le monde de la mort, des parties basses de Dieu. C'est plus proche de l'énergie vitale, c'est plus proche de la matière. C'est donc plus facile à ce que ça devienne efficace. Les parties qu'on appelle mauvaises, ce sont les parties les plus basses en vibration, les plus proches de la matière. Et c'est elles qui contrôlent la matière, le corps physique entre autres. C'est pourquoi, pour l'instant, c'est bien souvent ce que certains humains peuvent appeler les parties mauvaises qui gagnent. Mais ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Parce que ce qui va rester un jour, ça va être tout sauf ça. Alors, ça ne gagne pas. Présentement, il y a l'illusion que ça gagne, mais ça ne gagne pas. Ça, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Ça ne gagne pas, ça occupe. Ça frustre. Mais ça ne gagne pas. Est-ce que l'argent rend libre? Ah ben, l'argent rend libre, c'est l'humain qui rend l'argent libre. C'est l'humain qui se rend libre. L'argent, c'est extrêmement important dans l'évolution, mais effectivement. Sauf que l'argent, étant donné que c'est un des mécanicités qui peut permettre d'améliorer l'évolution, ça devient un des grands dangers. Comme la méditation ou comme n'importe quoi qui peut aider l'humain pendant un laps de temps, l'humain peut s'en faire une drogue. Si l'argent te permet de voyager, te permet de te libérer de la matière pour ne plus être l'esclave de la matière et avoir maintenant la paix pour continuer un travail plus convenable. Si tu as des enfants, tu veux aller visiter l'Afrique, tu amènes toute la famille au complet parce que tu as en masse d'argent. Génial, l'argent. L'argent, c'est la matière. Si par contre, l'argent devient ton maître, c'est-à-dire que tu as peur de la perdre, tu as peur de la dépenser, tu as peur de te la faire voler, tu as peur de ceci, peur de cela, ça ne sert à rien. C'est l'humain. C'est évident qu'un humain totalement conscientisé peut être pauvre et pas avoir aucun problème. Sauf que dans les temps qui viennent, l'humain totalement conscientisé sur le contexte non-planétaire sera riche. Ça ne veut pas dire que seul celui qui sera riche se conscientisera. Ça veut dire qu'officiellement, celui qui se conscientise va devenir riche. Il peut l'être d'avance, il peut ne pas l'être, mais il va le devenir après. Seul n'y échappera pas. Est-ce que jeûner sert à détruire la mémoire? Jeûner. Jeûner, ça sert à quoi, jeûner? Ça peut servir à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dieux qui ont déjà dit jeûne. Jeûner, ça sert à purifier le corps. Alors, très brièvement, lorsque l'être humain vit, il sécrète des hormones et ces hormones sécrétées font réagir le corps. Le corps réagissant, ça crée ce qu'on appelle l'émotion. Ça engendre une énergie bio-vitale qui nourrit le monde de la mort, qui nourrit les dieux. Les anges et tout le... Tralala. Mais ces hormones, elles sont de temps en temps stockées. dans vos graisses, dans vos muscles et dans votre cerveau. Mais surtout dans les graisses. Lorsque l'humain ne sécrète plus assez, un bon jeûne va libérer les hormones des graisses et le corps va maintenant réagir à ces hormones et c'est comme s'il revivait ce qu'il a déjà vécu et ça nourrit le monde de la mort. Biologiquement, le jeûne est bon. Mais spirituellement, le jeûne est bon aussi. Ça nourrit le monde de la mort. Mais évolutivement aussi, le jeûne, c'est bon. Et la problématique, c'est quand un individu jeûne, il devient plus colérique, devient nerveux, devient angoissé, devient impatient. Tout ce qu'il a exprimé émotivement, qui a été stocké dans ses graisses, relibéré dans le sang et revécu par le corps physique, et la personne va dire, « Ben oui, mais je comprends pas, tu sais, là, je veux être calme. » Puis, c'est normal, les hormones viennent stimuler le corps physique, et l'âme, lisant dans le corps physique ce qu'il est lui, parce que l'âme ne peut pas se connaître s'il ne s'exprime pas, pense qu'il a peur, qu'il est impatient, qu'il est nerveux, qu'il est angoissé, qu'il s'ennuie. Enfin, revit ce genre de stress. Alors qu'en réalité, il ne l'exprime pas. Alors, vu qu'il pense qu'il le vit, il va finir par l'exprimer. Un jeûne bien fait est un jeûne où, justement, on a la compréhension de la mécanique et, à un moment donné, on devient patient. Et puis, on se dit, je suis très patient, mais le corps est fou. C'est normal, je purifie. Lorsque nous aurons consommé toutes les hormones qu'on avait stockées dans ces graisses, le jeûne doit arrêter. Premièrement, le corps physique ne sera plus agressé, il va donc pouvoir se restaurer. Et deuxièmement, on aura purifié une grande partie de ce que nous avons exprimé qui n'est plus nous, mais que bien souvent nous pensons que c'est encore nous. Alors le jeûne, pourquoi une personne qui jeûne devient si dure à vivre? Bien, c'est évident, elle rejette dans son sang tout ce qu'elle a déjà vécu, enfin ce qui a été stocké, qui n'a pas été consumé, et elle n'est pas ça, mais le corps le vit, et elle se prend pour le corps, donc elle pense qu'elle est ça, puis elle ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi qu'elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça, c'est le corps qui est comme ça. C'est tout. Alors, jeûner, c'est extrêmement bien. Le jeûne lui-même détruit seulement la mémoire qui était placée dans les cellules, dans les graisses, dans le cerveau un petit peu. La femme, c'est son problème. Elle a suffisamment d'ovules pour pouvoir enfanter pendant quelques centaines d'années. Mais lorsqu'elle a une ovulation, une menstruation, elle stocke dans son cerveau certaines hormones. Et lorsque la quantité à stocker est pleine, eh bien, le corps physique considère que la femme, maintenant, doit être éliminée de la surface de la planète, c'est-à-dire qu'elle ne doit plus reproduire parce qu'elle a reproduit suffisamment de corps en tant qu'animal et que maintenant, bien, les corps doivent maintenant être capables de continuer la reproduction. Le cerveau étant plein de ces hormones, la ménopause arrive. Alors, immédiatement, il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de sécrétion de ces hormones pour avertir le cerveau. Et donc, la femme, psychologiquement, change souvent à la ménopause. En réalité, c'est l'expression de l'âme qui ne peut plus s'exprimer avec le même système hormonal, qui ne se reconnaît plus. La femme n'a pas changé, mais elle l'exprime différemment. L'ego, ne reconnaissant pas ce qui est exprimé, voit là le changement. Et là, donc, l'ego peut maintenant s'induire un changement pour s'adapter. Et lentement, maintenant, une femme qui est ménopausée, normalement, commence à vieillir à partir de ce moment-là. Et c'est évidemment réversible. On peut faire des choses pour changer ces choses-là. Ça va de soi. Mais on parle encore de phénomène hormonal. Si on fait un jeûne, on élimine ce genre de choses-là. Un jeûne cérébral ou un jeûne physique peut aussi éliminer une partie de ses hormones. Donc, la femme peut continuer, elle peut étirer sa phénomène de ménopause. Il y a aussi l'andropause chez l'homme. Ça, c'est des choses en jeûne. On élimine que ses mémoires. Mais les choses qui peuvent être faites pour éliminer ça, c'est des choses biologiques ou intellectuelles? Ou... Bon, intellectuelles, ça va de soi. Mm. Plus le cerveau travaille, plus l'humain a de la vie dedans, donc il y aura une purification. C'est-à-dire que plus le cerveau travaille, plus les cellules gliales vont fonctionner. Elles servent à plusieurs choses, dont le nettoyage du cerveau. Et il faut aussi un corps physique en santé suffisant pour qu'il y ait une circulation du liquide céphalo-rachidien convenable et du système sanguin convenable aussi. Et il y a, donc, physiquement, pour améliorer le corps. Et il y a aussi intellectuellement, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a quoi, comme le balayage cérébral, il y a plusieurs choses là, qui seraient un peu longues à expliquer, qui peuvent servir à purifier le cerveau. OK. Être libre, c'est être son seul maître. Mais puisqu'on n'a pas de libre arbitre, n'est-ce pas une illusion? Je t'arrête ici, ce ne sera pas long. Mm. Je dis, pas encore assez souvent, j'ai l'impression, qu'on est deux. Qu'il y a l'ego, l'âme, qui est totalement soumis au monde de la mort, et qu'il y a la conscience, l'esprit, qui, elle, peut être libre. Lorsque je dis qu'il n'y a pas de libre-arbitre, je parle à l'animal humain, à celui qui présentement contrôle la planète et le corps physique, et qui est totalement assujetti au monde de la mort, aux mémoires. Il marche avec ses désirs, ses émotions, ses goûts, ses peurs, ses craintes, son passé, ses vieilles expériences. Et il y a la conscience qui marche avec le neuf. Elle est libre. Tu continues. Ainsi donc, combien de vies encore faudrait-il pour s'en sortir? Combien de vies il faut pour s'en sortir? Eh bien, voilà, il faut entre quelques heures et quelques centaines d'années. Ça dépend des individus. Mais en ce qui concerne les personnes qui vivent sur le contexte nord de notre planète, ou disons du Québec, ils vont tous être partis du Québec ou s'en être sortis d'ici les 400 prochaines années. C'est quand même pas mal, après 4,5 milliards d'années. Mais évidemment, pour l'ego veut savoir quand est-ce qu'il va être mort. En réalité, quand est-ce qu'il va être fusionné? Quand est-ce qu'il va s'en être sorti? Mais lui, ils sont pas là-dedans. C'est dans cette vie-ci qu'il va y arriver. C'est ça qui est le problème. On doit toujours envisager notre évolution sur 400 ou 500 années. Pas sur 4 ou 5 années. Ça crée des problèmes. Il y en a qui vont s'en sortir très rapidement, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus longs. Mais ça ne change rien. Difficile à dire parce qu'il faudrait rire, mais ça ne change vraiment rien. Ce n'est pas important, la quantité d'années. V'là 2000 ans, vous avez posé la même question. Est-ce qu'ils vont m'en sortir dans 15 ans? On vous a répondu oui à l'époque. Puis 2000 ans après, on repose la même question. Ça évolue, ça change. Ça prend le temps que ça prend, mais on doit savoir une chose, et c'est pourquoi on ne peut pas se fier sur le passé. C'est que l'évolution est exponentielle. Ça veut dire que plus vous évoluez, plus vite vous évoluez. Donc, vous n'évoluez pas. Si vous avez évolué selon cette forme de courbe, c'est une illusion. Parce qu'en réalité, vous avez évolué comme ça. Et ça monte. Et plus vous allez avancer, plus ça va monter. Donc, si ça vous a pris 10 000 ans pour en arriver à aujourd'hui, ça peut vous prendre 10 ans pour en arriver à autant de changements. Et après ça, ça va prendre 10 jours et 10 heures et 10 secondes et 10 millièmes de secondes pour avoir le même changement. L'évolution est exponentielle. Alors, laissez donc faire quand est-ce que, combien de temps que ça prend, ou etc. Plus on est patient, plus vite ça va, plus on est impatient, plus on est pressé, plus longtemps ça prend. Il y a plus d'ego. Oui? Pourquoi j'ai si peur de prendre une décision au sujet du futur? Peur de perdre. Ah, ça, c'est l'ego, ça, qui a peur de prendre la décision. Jouez-y donc un bon tour, puis prenez-en donc une. Si vous manquez votre coup, ce n'est pas de votre faute. Si vous auriez su la quelle part, hein, vous l'auriez pris. Alors, on ne se culpabilise même pas. La prochaine fois, il y aura un qui me donne la réponse. Il y a connaît le cave. Bien souvent, il y a connaît le cave. Oh oui. Oh que non. Sauf qu'il s'amuse. Il y a des exercices que je fais de temps en temps avec des gens où on trouve ce qui est perdu. Première loi, on cache quelque chose dans nos mains, puis c'est simple. Tu penses que c'est à droite, choisis à gauche. C'est toi là-bas. Oh, parce que l'ego donne l'inverse. Faut que l'humain ait une conscience de médiocre. Il faut qu'il manque son coup souvent. Mais quand l'ego s'est rendu compte qu'on le savait, maintenant, il commence à donner la vérité, vu qu'on choisit l'inverse. Et c'est là qu'on doit décoder. Quand on commence à se tromper, on inverse immédiatement ce qu'on fait. Et beaucoup de radiesthésistes, c'est comme ça. Ouh, ça marche, pouf, ça marche plus, ça donne l'inverse maintenant, parce que l'ego a décodé que vous le saviez. Prenez donc des décisions et laissez faire la peur qui est en dedans. Ça va trembler, ça va se promener, ça va se frustrer, ça va même vous amener aux toilettes. Allez-y! Et prenez une décision quand même. On est deux. Lui a peur, je ne suis pas celui qui a peur. Chaque fois que je vais prendre la décision, il vient s'en mêler et je ne suis pas capable de la conscientiser. Ça m'est déjà arrivé. Je prenais 25 cents. Et voilà. Et là, je me disais, pile, j'y vais, faire, j'y vais pas. Donc, pile. Pile, j'y vais. Ouais. Bon, mais ça veut dire que si j'y vais pas, parce que j'hésite. C'est simple. On prend une décision. Puis si on n'est vraiment pas capable, on tire deux coups sur trois. Tac, tac, tac. Puis là, on regarde. Puis on fait ce que pile ou face a décidé. C'est la même chose que si on décidait. De toute façon, on n'en sait pas plus que la pièce de monnaie. Ah oui, si on en sait plus, on prend la décision. Donc, si on ne s'en prend pas la décision, c'est qu'on n'en sait pas plus. Au lieu de se faire mal en dedans, tirons en pièce de monnaie et regardons ce que ça donne. Faisons-le. Puis si on manque notre coup, ben, ce sera à cause de la pièce de monnaie, au moins. Une question, disons, en deux parties. Décris-moi la différence entre sentiment et émotion. D'accord, je reviens. Il y a une conférence que je fais en décembre, c'est au-delà de l'émotion, le sentiment. Alors, ça va répondre en deux heures. Quand tu as affaire à un inconnu, c'est impossible d'établir la communication. Comment dois-je me comporter? Bon, si c'est impossible d'établir la communication, il n'y a rien à faire, hein? Si c'est impossible, c'est impossible. Maintenant, si c'est difficile d'établir la communication, comment dois-je me comporter? Une chose que vous devez faire, restez donc vous autres. Vous savez pas qu'est-ce que vous êtes? C'est plus compliqué. Tout ce qui est difficile à faire, essayez un chemin plus facile. Comment dois-je me comporter? La question est relativement vague. Et puis, je ne veux pas attaquer la personne, je lui explique comment on pose une question. Quand tu as affaire à un inconnu, c'est impossible d'établir la communication. Quand j'ai affaire à un inconnu, j'établis toujours la communication. Elle dit, quand tu as affaire, comment dois-je me comporter? Vous comprenez? Quand moi, j'ai affaire à un inconnu, comment la personne doit se comporter? Bon, ça, la question. Et ça, c'est une problématique. Je ne réponds pas à ce qu'elle a posé tout à fait comme question, mais je réponds à quelque chose d'encore plus important pour elle. Comment peut-elle un jour arriver à se répondre si elle ne s'implique jamais dans ces questions? Quand j'ai affaire à un inconnu et que c'est impossible ou difficile d'établir la communication, comment dois-je me comporter? Première chose, est-ce difficile d'établir la communication parce que vous la refusez? Alors, si c'est vous qui la refusez, refusez la pu. Réponse trop simple. Il faudrait passer des heures à compliquer pour que l'ego l'accepte mieux. On revient à la même chose. Faites donc un sourire, puis allez donc lui serrer la main, puis attendez donc qu'il commence à parler. Puis du moment qu'il va commencer à parler, posez-lui des questions sur ce qu'il parle. Immédiatement, vous allez intéresser son ego. Et un ego aime d'une façon extraordinaire quelqu'un qui s'intéresse à lui. Ah là, j'arrive de Québec. Québec, ah oui, restez-vous là? Non, je reste pas là. Ah bon, vous restez où? Chicoutimi. Ah, Chicoutimi, ah ben oui, je connais Chicoutimi, ça, c'est une belle ville. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. On parle de ses bébelles à lui, là, il est bien content. C'est simple, vous allez voir que l'inconnu va s'ouvrir à vous. Puis plus il va s'ouvrir à vous, plus vous allez devoir, bon, jaser de ce qui vous parle. Puis après ça, vous rentrerez dans ce que vous avez besoin de rentrer. Le contact va être fait. C'est très facile, il n'y a pas un ego qui résiste à ça. Comment me débarrasser des mémoires du passé qui me parlent et qui essaient de conduire ma vie? Comment se débarrasser des mémoires du passé qui lui parlent et qui conduisent sa vie en continuant à faire ce que vous faites? De toute façon, à moyen terme ou à long terme, c'est gagné. Pour être complètement instantané, il ne faut plus avoir d'ego puisque l'ego, c'est mémoriel. Quand on est instantané, rien n'existe plus si l'existence est liée au temps et à l'espace. C'est exact. Exact. C'est épeurant tout ce que tu dis. Ah, c'est exact. Et souvent, c'est choquant. Ah, ça, c'est exact, exact. Mais si c'est choquant, hein? C'est que ça fait du sens. Les femmes deviennent des hommes et les hommes des tapettes. Question, l'attitude virile... Non, les hommes deviennent des femmes. L'attitude virile est-elle sans objet face à une femme autosuffisante? L'attitude virile. Savez-vous ce que c'est qu'une attitude virile? C'est le grand panache du pain. C'est les cornes du cerf de Virginie. C'est ça. C'est les défenses de l'éléphant d'Afrique. C'est ça, la virilité. Mais quand l'animal humain commence à devenir un être humain, sa virilité, hein? Oh, mais il devient efféminé, tapette. C'est si dommageable que ça pour l'homme d'avoir des caractères féminins. Tu vois? Alors, pauvres femmes, ils ont tous les caractères féminins, eux autres. Mais quand un homme a des caractères féminins, on parle de défaut, tapette. Efféminé. Efféminé, c'est un défaut. Ah, c'est peut-être l'homme qui a inventé ça, peut-être la femme aussi, parce que la femme, elle travaille souvent contre elle. Parce qu'un homme, à un moment donné, commence à aimer les couleurs comme la femme, à aimer les bébés nouveau-nés, tout plissé puis tout gluant comme les femmes. Ils pensent qu'ils ont des problèmes. Oui, ils ont des problèmes. Ils évoluent. C'est tout. Voir un homme marcher en déambulant son bassin. On a vu tellement de femmes faire ça pour se faire plaindre. Alors, pourquoi on ira se plaindre? Parce qu'un homme commence à boire son thé, petit doigt en l'air ou... Franchement, il y a beaucoup d'autres choses à régler avant. L'attitude virile est-elle sans objet face à une femme autosuffisante? Ça, c'est absolument évident. Je parle d'une femme réellement autosuffisante, pas d'une femme qui lutte contre toutes les femmes, puis contre les hommes, puis contre tout l'univers au complet pour essayer de se prouver qu'il y a quelqu'un. Je parle d'une femme autosuffisante. Si vous aimez un homme, c'est peut-être parce qu'il sent fort du tout des bras. C'est la virilité, ça. C'est peut-être parce qu'il est extrêmement bien bâti, puis qu'il sacre. C'est la virilité. C'est peut-être parce qu'il est jaloux et qu'il vous protège de votre liberté. Ça, c'est la virilité. C'est peut-être parce que de temps en temps, il cause des objets, puis qu'il parle fort, puis qu'il... C'est la virilité. ou qui mesure 6 pieds et qui pèse 230 livres, bien ça, même si c'est tapé dans le dedans, c'est la virilité. Mais on peut aussi aimer un homme pour ce qui est dans l'esprit, pour ce qui est aussi au niveau de la négoïsation, pour son intelligence. C'est pas la couleur de ses souliers. Il met des souliers verts ou roses. La femme a toujours mis des souliers verts ou roses. On ne s'est jamais plaint. Fait qu'on on va passer sur le sujet. La virilité, ça appartient aux animaux. Puis la recherche de virilité aussi. Pour régler un problème d'anxiété et de manque d'énergie, est-il bon pour instruire l'ego de prononcer à haute voix plusieurs fois par jour, ainsi que prononcer intérieurement des phrases telles que « L'homme doit être détendu et relaxé dans tout ce qu'il fait. L'homme doit être débordant d'énergie. » Si oui, explique-en la mécanicité. Sinon, pourquoi existe-t-il une meilleure solution? Existe-t-il une meilleure solution à laquelle? Bon, il existe toujours des meilleures solutions. La seule affaire qu'il y a, il faut qu'on trouve celle qui va bien avec nous. Répéter à haute voix, ça a un effet. Répéter mentalement, ça n'a aucun effet parce que la pensée n'a pas de puissance. La parole, elle seule, en a. Donc, on doit le dire à haute voix. La problématique, c'est que répéter exclusivement une chose dans le genre « l'homme doit être débordant d'énergie, de vitalité, d'enthousiasme », si c'est une femme, elle devra dire « la femme ». Parce que dans l'astral, les jeux de mots sont bienvenus. Tout le monde va dire « ah, ben effectivement, l'homme doit être débordant d'énergie ». Ça, c'est une femme, peut-être. On ne la regarde pas. Deuxièmement, l'homme doit être détendu et relaxé. Ouais, l'homme doit être détendu et relaxé. Alors, il faut qu'on fasse énormément attention à ce que l'on dit, de façon à ce que faut étudier ce qu'on dit. Puis quand on va sentir qu'on l'applique réellement pour soi, c'est la bonne phrase. C'est pas dans un livre qu'on l'a trouvé. Dans un livre, on peut savoir comment arriver à se fabriquer nos phrases. Et on ne doit pas prononcer comme ça. On ne doit pas répéter, on doit prononcer avec de l'énergie. Il y a une différence entre l'homme et son seul maître. Et je suis mon seul maître. Mais on doit faire mieux que ça, c'est comme dans n'importe quelle forme de prière, parce que c'est une forme de prière. C'est-à-dire qu'on parle à haute voix pour s'adresser à de l'énergie. Quand on prie pour quelqu'un, ça marche mieux que quand on prie pour soi. Oui, parce que quand on prie pour quelqu'un, on nomme son nom. Alors, quand on parle pour nous, on nomme notre nom. Je suis Daniel. Je suis mon seul maître. Et ça, c'est une affirmation. Ce n'est pas une demande. Je suis Daniel. Je suis mon seul maître. Je suis relaxé. Non. Et la longue, vous allez découvrir qu'une voix mentale, ça règle bien les choses. Je suis Daniel. Je suis mon seul maître. Je le dis à quelqu'un. Et je l'affirme. Si je ne suis pas relax, je dis. L'homme doit apprendre à se relaxer lorsque ses différents corps le réclament et non lorsque la situation se prête à une relaxation. Et là, c'est mon mental qui l'affirme, c'est moi. Tout le reste est peut-être con, peut-être nerveux, mais là, je l'instruis. Hey, le cave, tu dois te relaxer quand c'est nécessaire. Pas quand on te le permet. On ne te le permettra jamais. Et au pire, arrangez-vous pour que si votre ego est angoissé, mais qu'il ait peur, mais de vous, il va finir par vous obéir. Qu'il cesse d'avoir peur de d'autres choses. Parlez-lui. Et mais tout également d'accord. Ah, ben c'est réglé. Passons à la question. Où tu places les affinités dans tout cela? C'est autre chose, une affinité. L'affinité est un processus mécanique. Ce n'est pas un choix sélectif fait par l'ego, par la mémoire. Je me promène, je rencontre un individu et j'ai une affinité vibratoire avec lui, donc on travaille ensemble. J'en rencontre un autre, j'ai moins d'affinité ou pas du tout, on ne travaillera pas ensemble. Mais je n'aime pas plus lui que l'autre. Je travaille plus avec lui qu'avec l'autre. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de sentiment, de vibration. Il y a des pays où je vais, où je vibre. Des pays où je ne vais pas parce que je ne vibre pas. Lequel j'aime le plus? Aucun des deux. Ah oui, mais tu es toujours rendu d'un pays sous-développé d'Amérique. D'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Ben oui. Mais tu aimes plus ces pays-là? Non. Mais pourquoi tu n'as pas ailleurs? Ben, j'ai pas de raison d'aller ailleurs. Et là, si on veut me faire croire que j'aime, que j'aime, que j'aime, ben, il m'a fallu partir. Ben oui, j'aime mieux ça. Fini, on va se coucher tout le monde. L'affinité est une vibration, et lorsque l'ego expérimente l'affinité, il le mémorise, Et lorsqu'il l'a mémorisé, il tient à le répéter. C'est ça, l'émotion. Vous ne souffrez jamais, vous ne souffrirez jamais d'une affinité. Mais vous allez souffrir d'une émotion. Ça veut dire l'affinité pour un individu, puis s'en va. Ah, vous n'en souffrez pas. Vous avez mémorisé, expérimenté l'affinité, maintenant vous l'aimez, cette vibration-là. Et il s'en va, là vous allez souffrir. C'est ça l'amour. Enfin, l'amour psychologique. Ouais. Quand on se pose des questions, est-ce préférable d'y répondre par soi-même en continuant de chercher les réponses ou tout simplement de demander les réponses? Est-ce qu'on cellularise mieux si les réponses viennent de nous? Quand on ne comprend pas quelque chose, est-ce que c'est parce que ce n'est pas le temps ou est-ce que c'est l'astral qui nous manipule pour ne pas comprendre? Bien, dans les deux cas, c'est la même chose. Alors, quand on se pose des questions, est-ce préférable d'y répondre par soi-même en continuant de chercher des réponses? Ben, c'est-à-dire que si on se répond, on ne cherche plus les réponses. C'est évident que c'est préférable de se répondre par soi-même. Ça n'empêche pas, dans le début, pour instruire votre ego qui est extrêmement incertain de votre capacité à intelligencer les choses, de les poser à quelques autres, à quelqu'un d'autre ou à quelques autres personnes, juste histoire de voir s'ils vont nous confirmer les réponses. Quand une personne ne confirme pas notre réponse, c'est parce qu'elle a tort, parce que nous avons tort. Mais on ne doit jamais penser qu'elle a raison si elle ne confirme pas nos réponses. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est qu'on est sûr de rester libre. Moi, si je dis quelque chose qui ne confirme rien chez vous, ne croyez pas ce que je dis. Surtout que je compte souvent des menteries. D'accord, ceux qui croyaient, ils croient moins. On peut poser une question, et si ce que je dis va en plein avec ce que vous savez déjà, c'est une confirmation. Dans une confirmation, on accepte l'énergie. Mais on doit toujours se permettre de changer d'idée. Mais voilà. Est-il possible que l'homme ne soit pas vraiment sur Terre et que ce soit le film de l'homme qui soit sur Terre? Bien, tout est possible, premièrement. Et c'est à peu près ce qui y arrive. C'est-à-dire que c'est le film de l'homme qui se vit présentement et la conscience de l'homme chemine à travers. La problématique, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer en faisant un parallèle planétaire, c'est que la conscience doit s'immiscer dans le film pour faire en sorte que le film devienne de la conscience. C'est ça le rôle de l'homme. C'est pourquoi c'est si pénible. Et on ne peut pas le parallèle au niveau planétaire, on ne peut pas, même un hologramme ne donne pas la même chose. Mais c'est ce qui doit arriver. La matière doit devenir de la lumière, tout en restant de la matière, et la lumière doit devenir de la matière, tout en restant de la lumière. Ça n'existe pas dans notre continuum, détruisons le continuum, c'est ce qu'on fait aussi. J'ai entendu dire d'une personne de confiance que l'on se réincarne une fois femme et une fois homme alternativement. Et aussi d'une autre personne que l'on se réincarne toujours dans le même sexe. Il semblait joliment convaincu. Et avec cela, ça fait trois alternatives. Je pense que cela est de la foutaise. Bon, alors voilà, ça ne sert à rien de poser une question. C'est... On doit réfléchir par soi-même. On doit supporter le stress de l'incertitude. J'ai entendu dire d'une personne de confiance qu'il se réincarne une fois femme et une fois homme, alternativement. Et un autre dit qu'on se réincarne toujours dans le même sexe. Il n'y a pas un homme qui voudra se réincarner en femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont vouloir se réincarner en homme. En réalité, tant qu'à avoir déjà deux réponses, m'en donner une troisième. Alors, vous pourrez vérifier la foutaise. Ce qui se réincarne, c'est de la mémoire. Et ça se réincarne pluralitairement dans le corps physique. Premièrement, c'est le corps qui choisit ce qui se réincarne, c'est jamais l'entité. Une entité intelligente est attirée par un corps intelligent. C'est le corps qui détermine ce qui vient. Deuxièmement, toutes les mémoires féminines dans le corps d'un homme vont se réincarner, fusionner des mémoires féminines, et ça va se réincarner dans le corps d'une femme. Et étant donné que l'homme est plus ou moins constitué en majorité de mémoires masculines, habitué à expérimenter le corps physique masculin, la majorité de ses mémoires sera donc attirée par un corps physique masculin. Alternativement, non. Ça, c'est parce qu'on cherche des cycles. Ça plaît à la spiritualité, les cycles. On se réincarne pluralitairement. Les théologies disent que dans le monde de la mort, dans le ciel, on voit ce qu'on a aimé et on les rejoint pour l'éternité. Eh bien oui, on se fusionne et il n'existe plus nous non plus. Votre tête possède une grande gueule. Des mémoires de grande gueule qui se réincarnent. Et après ça, ça crée un enfant qui peut courir vite quand il parle trop. Quand vous encore quand il joue mal du piano. Bon. Et l'individu, pendant l'adolescence, doit fusionner toutes ses mémoires. Ça crée la crise de l'adolescence. Ça se réincarne encore 24 heures sur 24. Lorsque l'enfant commence à être sexué, à avoir un système hormonal qui sécrète comme un adulte, les adultes maintenant commencent à se réincarner dans le corps de l'enfant. Alors là, l'enfant devient un enfant adulte. Il y a une guerre. Il y a un paquet de choses qui se passent. C'est pas ça la crise de l'adolescence. C'est bien plus dramatique que ce qui se passe dans l'âme puisqu'on peut penser au niveau de la psychologie. Et lorsqu'on fusionne tout ça, bien, on a la paix en dedans. Et par la suite, en s'en égoïsant, on crée un double éthérique. Et lorsque notre corps physique ne peut plus nous supporter, on ne gagne plus le monde de la mort. On ne meurt plus. Et là, on va se réincarner, se rappelant qui on est. Pas qui on était. C'est une foutaille, se rappeler qui on était. Si tu l'étais, tu ne l'es plus. Donc, c'est plus toi. Donc, même pas la peine qu'on en parle. Et quand tu te rappelles qui tu es, là, tu continues. Alors, ce sont des choses qu'on a déjà abordées dans les conférences et qu'on voit aussi souvent dans le séminaire. Alors, évidemment, de foutaise en foutaise, on peut alterner dans le corps d'un homme ou d'une femme. Certains disent aussi qu'on revient dans le corps des animaux, des plantes. Bon, c'est intéressant. Que veut dire purifier son âme? Purifier son âme. Quelle que soit la religion qui parle de purifier son âme ou de l'école traditionnelle ou spirituelle qui parle de purifier son âme, elles disent toutes la même chose, mais ne le savent pas. Pour purifier une âme, on doit ôter toutes les imperfections dans l'âme. Et toutes les imperfections dans l'âme sont tout ce qui constitue l'âme. Une âme pure est constituée uniquement de l'enveloppe séraphique qui paramètre l'âme. Il n'y a plus d'ego, plus de mémoire volatile, donc plus d'expérience. Plus d'émotion, plus de désir. Ça, c'est une âme pure. Et normalement, l'enveloppe séraphique, lorsqu'elle est totalement purifiée de l'ego, j'appelle cela, moi, anégoïsation, élimination de l'ego, eh bien, c'est ça qui crée le double éthérique. Il reste l'esprit, il reste l'enveloppe de l'âme. Uniquement, elle est pure, purifiée, il n'y a plus rien dedans. Plus de mémoire, plus de désir, plus d'émotion, plus de souffrance, plus rien. Il va rester maintenant que la connaissance instantanée, c'est-à-dire le savoir. Ça, c'est une âme pure. Alors, si vous frappez une âme en plein visage, une âme pure, elle ne réagit pas. Elle n'a pas de mémoire comparative. Elle ne peut pas vous haïr, c'est pas dedans, il n'y a pas d'émotion. Et si elle est totalement pure, elle ne pourra même pas accumuler l'expérience de la gifle. Parce que là, vous allez commencer à colorer son âme. Après 25 gifles, elle va dire, tabarnouche, il me frappe. Fait que là, elle va commencer à bloquer, puis elle va vous taper dedans, vous aussi. Si l'âme est pure, ça ne marchera pas. Et si l'âme est pure et habitée par de l'intelligence, vous ne la frapperez pas. De quelle façon le sida peut-il réussir à faire des actions humainement intelligentes si l'énergie lui manque, car l'astral le domine, le fait jeûner? Bon, on parle toujours évidemment du sinistre individu dominé par l'astral. Et ce que j'aime, moi, c'est qu'à un moment donné, je parlais des sidatiques, il y a quelques années. On n'avait pas encore trouvé un mot pour nommer les gens qui avaient été atteints du sida, la maladie vénérienne. Et puis, dans les journaux par la suite, j'ai lu qu'on les appelle les sidéens. De quelle planète ça vient, un sidéen? Parce qu'un sidatique, c'est quelqu'un qui est atteint de la maladie du sida. Un sidéen, c'est comme un terrien ou un martien. Et j'ai trouvé très, très, très amusant que l'humain invente un terme si faux. Et ça, c'est quoi? C'est que dans l'astral collectif de l'homme, il y a encore cette maudite mentalité de créer des classes. Ceux qui ont le sida sont réellement, planétairement condamnés, par la langue française du moins. Ce ne sont pas des sidatiques ou des tuberculeux, ce sont des sidéens. On est en train lentement de bâtir, c'est très, très, très subtil ce qui se passe présentement, mais c'est, en tout cas, c'est dommageable. Le sida que nous parlons nous autres, c'est les sinistres individus dominés par l'astral. Les MTS, ce ne sont pas les maladies transmises ce soir, ce sont les martyrs de la transition supramentale, c'est des termes qui sont intéressants. De quelle façon, donc, le sida... Alors, le sinistre individu dominé par l'astral, peut-il réussir à faire des actions humainement intelligentes? L'énergie lui manque. Bien, c'est simple, c'est que c'est mécanique. L'astral travaille toujours contre lui-même. À un moment donné, il écrase une fourmi, à un moment donné, il passe à côté. À un moment donné, il fait sa course, et puis il écrase une grenouille. À un moment donné, il fait sa course, il passe une flaque d'eau, puis il sauve la grenouille en éclaboussant. Mais c'est une réaction, c'est donc un phénomène intelligent, mais qui est tout à fait pas... C'est mécanique, il ne le sait pas, il s'en va. Bon, c'est pour ça que ça marche. À travers tout ce qu'il y a, de temps en temps, on réussit. L'évolution égale la liberté. Doit-on désobéir et combattre tous les systèmes qui nous entourent? Non, parce que là, immédiatement, on est associé à un système, celui de la guérilla. Faites donc ce qui vous semble intelligent de faire. Si le système le prescrit puis ça vous va, faites-le. Si le système prescrit autre chose, ça ne vous va pas, vous ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas faire autrement que de le faire, mais que vous êtes contre, restez contre et faites-le. Vous n'avez pas le choix. Souffrez pas. Puis un jour, vous allez avoir l'énergie pour ne plus le faire. Toutes les fois qu'on est frustré, ça sert l'astral, ça ne sert pas le mental. Ça sert l'involution, ça ne sert pas l'évolution. Alors, si je suis pris à le faire, mais je ne veux pas, ben, je continue de ne pas le vouloir. Puis je ne me frustre pas. On est manipulé. Mais on va finir par gagner. Mais ça prend le temps que ça prend. On doit apprendre à connaître le corps, à le former, le corps. C'est ça. Avons-nous des dons? Exemple, la voyance, les prémonitions. Non, on n'a pas de dons. Il n'y a personne qui donne rien à personne. Hein? Surtout pas les yeux. Donc, la voyance, la prémonition, si oui. Donc, ce sont les facultés, mais ce ne sont pas des dons. Bon, alors avons-nous... Ce ne sont pas des pouvoirs. C'est un pouvoir pour l'imbécile qui l'applique. Lui, il a le pouvoir sur les autres. Pouvoir, contrôle. Il connaît ta pensée, il connaît ton avenir. Pouvoir. C'est une faculté. C'est pas un pouvoir. Et puis, c'est pas un don. C'est une faculté. Comment les découvrir et les développer, puis est-ce qu'on doit les utiliser? Ben, est-ce que ça vaut pas la peine de les découvrir, les développer, puis de pas les utiliser? Bon, voilà. Bon. Le découvrir. On ne peut pas découvrir une faculté. On ne peut que l'accepter. Bon. Alors, si on accepte que la télépathie existe, on peut la développer. Si on accepte que le magnétisme curatif existe, on peut le développer. Certains courent plus vite que vous, donc certains magnétiseront mieux que vous. Mais tous les corps physiques ont génétiquement cette possibilité de faire des choses. Mais c'est l'ego qui nuit. L'ego. Alors, si on accepte que ça se fait, et qu'on accepte que, médiocre comme nous sommes quand même capables de le faire, maintenant, il restera qu'à le développer. Première chose, observer. Si on observe, on canalise une énergie vers là où on observe, et ça se développe. Par la suite, dépendant des facultés, il y aura des techniques qui pourront permettre une évolution plus rapide, comme poids et haltères pour les muscles. Il y a des techniques aussi pour les autres facultés. S'en servir. Vous avez la faculté de prédire les chiffres gagnants de la loterie 6. 49. Est-ce que je dois m'en servir ou pas? Est-ce que je dois m'en servir pour donner à tout le monde ou m'en servir rien que pour moi? Quand vous avez la faculté de vous mouchez qui? Quand vous avez la faculté de courir, vous courez. L'homme d'affaires ou le joueur de hockey qui est toujours à la bonne place au bon moment, bien, il se sert de sa faculté pour rentrer la rondelle dans le but adverse, pas dans son but. Alors, parce qu'à un moment donné, on aurait une faculté que la majorité n'ont pas, on se sent coupable de l'avoir. Ben voyons donc. Vous pouvez gagner prédire les chiffres de la loterie. Achetez les billets, tant mieux. Qu'est-ce que le gouvernement invisible, le double éthérique, y vient-il? Qu'est-ce que le gouvernement invisible? Le gouvernement invisible, c'est un gouvernement qu'on ne voit pas. Bon, parce que le gouvernement invisible. Le double éthérique, y vient-il? Non. Dans les gouvernements invisibles, il y a la mafia. La Mother and Father Italian Association. Il y a la GRC. Ceux qui ont l'élève GRC. Il y a le FBI. Ceux qui vendent du jus. Il y a plusieurs gouvernements invisibles. Il y a la Garda. Il y a Shambhala. Et il y en a d'autres qu'on ne nomme pas. Ça rime. C'est ça, les gouvernements invisibles. Le monde de la mort est un grand gouvernement invisible, qui inclut d'ailleurs Shambhala et la Garda, qui inclut FBI, CIA, GRC, Deuxième Bureau, Interpol, etc. Franc-maçonnerie comme Rosicrucien, évidemment. Ou encore les castrateurs de Russie, de plusieurs autres phénomènes du genre. Le globe éthérique n'a rien à voir avec cela pour la simple raison que le globe éthérique fait partie des mondes qui ne sont pas des mondes planétaires, donc qui ne sont pas régis par les gouvernements invisibles qui contrôlent les phases d'involution et l'apparence de phase d'évolution de l'homme. Le Deutérix, c'est autre chose, c'est libre. Ça n'est pas dans un gouvernement et ça ne gouverne pas. Celui qui gouverne est pris. Celui qui est gouverné est pris. Le Deutérix est libre. Il ne gouverne pas. Et il n'est pas gouverné. Il est libre. Oui. Explique la mécanique qui fait qu'un voile se déchire, c'est-à-dire que l'on voit si facilement une chose alors qu'avant on était complètement aveugle. Est-ce la même mécanique qui fait qu'il y a contact entre l'esprit et l'humain? Qui ajuste et dose cette mécanique? La partie intelligente de l'homme agit-elle en synergie à ce moment-là? Il y a plusieurs questions. Mm-hmm. Explique la mécanique qui fait qu'un voile se déchire. Toute l'évolution avance par bond. L'évolution génétique se fait par bond. L'évolution psychologique, spirituelle, supramentale, mentale, se fait aussi par bond. Même l'évolution matérielle se fait par bond. Quand on a un électron qui tourne sur un orbital autour d'un noyau, et si on veut qu'il change d'orbital, on doit lui donner de l'énergie. On lui en donne, on lui en donne, on lui en donne, on lui en donne, et à un moment donné, quand il a sa dose, pouf, il change d'orbital. On veut le ramener, l'évoluer, on lui ôte de l'énergie, on lui en ôte, on lui en ôte, il reste dans son orbital. Quand il y a une dose particulière, snack, il change d'orbital. Toute l'évolution se fait par bond. Alors vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, il n'y a pas de changement apparent. Puis à un moment donné, pouf, ça sort. Exactement comme quand vous levez une table. Vous forcez, vous forcez, vous forcez, vous forcez, et elle ne décolle à peu près jamais lentement. Quand elle lève. Sauf si vous avez la faculté d'être suffisamment subtil avec votre corps physique pour forcer, forcer, forcer, à l'instant où elle lève, diminuer la force. Et là, on aura un décollage lent. Vous vous appuyez contre quelque chose à pousser, vous poussez, vous poussez, vous poussez, et quand il démarre, si vous gardez la même force, l'accélération va être extrêmement rapide, exponentielle. Sinon, vous devez diminuer pour avoir une vitesse. Alors, tout se fait par bond. L'individu évolue, il subitement, paf, et là, il comprend. Mais l'évolution se fait aussi par bond. Hein? Bon, alors, on voit facilement une chose, alors qu'avant, on était complètement aveugle, par bond. Est-ce la même mécanique qui fait qu'il y a un contact entre l'esprit et l'humain? Oui. Qui ajuste la dose? Personne. C'est l'ajusteur de pensée, c'est une mécanique, il n'y a pas d'intentionnalité derrière, et c'est personne qui le fait. C'est extrêmement pénible pour l'humain de savoir qu'il n'y a personne, et bien il n'y a personne, il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de désir. D'ailleurs, la création est un accident, alors c'est même pas un phénomène intentionnel. OK. Je veux savoir si l'intelligence peut servir autant les forces involutives qu'évolutives sans discrimination. Absolument, absolument, absolument, évidemment. L'intelligence sert ce qu'il y a. L'intelligence elle-même a créé les forces d'involution, comme les forces du mal. Quand on contrôle les deux, on contrôle tout. Que fait-on avec les enfants? Si nous, les parents, sommes des formateurs d'esclaves, alors comment peut-il évoluer? Doit-on les encourager à avoir un esprit positif et vivre l'instant présent? On ne doit que laisser être ce qu'il est. On ne doit l'encourager à rien d'autre. Si l'enfant est un enfant nouveau, donc un enfant téflon, toute la tradition ne pourra pas coller sur lui. Ni les menaces, ni les punitions, ni les promesses, ni la société d'avenir, ni la spiritualité, ni la prière, ni plein de choses. Ça ne collera pas. C'est un enfant ancien, la tradition colle sur lui. Il se sentira coupable, il souffrira, il aimera, il s'ennuiera, il aura peur, et il sera facilement sécurisable lorsqu'il sera collectif. Il recherchera les groupements, les gangs, la mode, et il recherchera être bien vu par tout le monde. Alors il pourra dire « j'ai réussi ma vie ». Nous sommes des créateurs d'esclaves, oui. Mais quand on le comprend et quand on le sait, la moitié du chemin est déjà faite. Qui va faire l'autre moitié de chemin? Bien, l'enfant a aussi son chemin à faire. Vous n'avez pas choisi cet enfant-là. Il n'a pas choisi ses parents-là. Et maintenant qu'on est pognés ensemble, on fait un compromis. Puis on fait le mieux qu'on peut faire. Sans jamais regretter ce qu'on a fait. Parce qu'avoir su, on ne l'aurait pas fait. Alors, on ne se casse pas la tête. Les enfants qui viennent au monde sont de plus en plus nouveaux. Et ils ne savent pas plus que vous ce qu'ils ont besoin. Mais ils savent autant que vous ce qu'ils ne veulent pas. Il faut les écouter un petit peu. Est-il souhaitable d'avoir des enfants très dociles, très manipulables? Si évoluer est facile, en deux questions. On commence par une. OK. Est-il souhaitable d'avoir des enfants dociles, Très manipulable. Bon, je suis sûr que si on va à la paix en tant que parent, oui. On fabrique des andouilles. Évidemment, si l'enfant est extrêmement docile, parce que vous êtes extrêmement intelligent, puis lui est extrêmement intelligent, puis ce que vous dites, bien, il le dirait lui avec, c'est évident qu'il va faire tout ce que vous allez dire. Mais si on lui dit, il fait le ménage de ta chambre, puis il va le faire, puis vous autres, vous ne faites pas la vôtre, puis ça ne le dérange pas, puis qu'il fait tout, c'est préférable ou pas préférable, si c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on a. Mais si on a des enfants, on s'arrange pour qu'ils ne deviennent pas dociles. Et ça se fait. La marque d'intelligence est lorsque un être humain peut dire non. Alors, si un être humain dit toujours oui, ce n'est pas un être humain intelligent. Il peut être intellectuant, savant, programmé. Et la meilleure chose, comme j'ai déjà expliqué, comme j'en parle un peu dans le tome 2 de « Vivre avec un enfant nouveau », de savoir éduquer l'enfant teflon, si tu mets des barrières dans ta maison, des barrières que tu interdis à l'enfant et que tu vas féliciter l'enfant lorsqu'il va, malgré tes ordres, les transgresser. C'est bien de former un être humain qui va se tenir debout devant tout ce qu'il considérera comme étant inexact, inintelligent, inécologique. On forme de l'intelligence. La nouvelle forme d'éducation ne sera pas de transmettre des connaissances, ça va de transmettre de l'intelligence. En réalité, permettre à l'intelligence qui est déjà dedans de travailler. L'enfant totalement docile, si on a des trucs idiots à lui soumettre, puis qu'il est totalement docile, eh bien, on a ça. C'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. On peut faire tondre son gazon. On peut faire des choses comme ça. Puis la société, c'est ce qu'elle recherche, des enfants dociles. Si évoluer est facile et qu'on n'évolue pas, c'est donc que cette évolution facile nous est masquée. C'est qu'en réalité, on évolue énormément, mais c'est exact, l'évolution est masquée. C'est que vous changez une vitesse absolument exorbitante, mais c'est génial, c'est plaisant. Mais habituellement, l'humain n'en bénéficie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'en voit pas et continue toujours à penser qu'il joue à l'évolution. C'est juste ça le handicap. Je cherche une signification à tout. Lorsque je suis assise, je me brasse. Lorsque je suis debout, je me balance de droite à gauche. Comprenez-vous quelque chose à cela? Ah, ben oui, évidemment. Lorsque je suis assis, je me balance, n'est-ce pas? Pour la simple raison que le cœur pompe le sang dans les artères et que le système veineux, lui, n'a pas de pompe et que le cœur n'est pas suffisamment puissant pour que le sang revienne au cœur. Alors, dans les veines, il y a des petites vacuoles, des petites veines, des petits muscles, des petites bebelles de peau, là, je simplifie. Et ça, ben, ça s'organise pour bouger de temps en temps, puis ça repousse le sang vers le cœur. Alors, quand on est assis, quand on marche, le système musculaire aide énormément au retour veineux. Quand on est assis ou couché, on regarde la télévision, quelque chose dans le genre, eh bien, on ne bouge plus. Un individu vivant va continuer à bouger. Alors, il y a une nuance, évidemment, de bouger comme ça. Ah, c'est sûr que c'est très bon. Puis de bouger lentement. Quand on est debout, on change. C'est beaucoup plus reposant d'être debout en mouvement que d'être debout fixe. Maintenant, rechercher une signification. Non. Ça ne signifie rien. Il y a des causes. Mais signification veut dire message, bien souvent intentionnalité. Qu'est-ce que ça signifie que quand je regarde le ciel, il y a toujours un nuage similaire? Bien, ça signifie qu'il y a un nuage dans le ciel. C'est ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie quand, que chaque fois que je sors dehors, je vois un avion passer? Bien, ça signifie que quand tu sors dehors, tu vois un avion passer. C'est ce que ça signifie. Basez pas votre vie là-dessus, ça signifie rien d'autre. Oui, mais regarde, mon nom, ça donne 9, 9, 9 plus 9, 18, 8 plus 1, 9, ça... Par rapport à 9. Limiter totalement notre conscience et notre évolution aux significations aberrantes du monde de la mort. L'astrologie, est-ce que ça marche? Ça manipule les paliers mobiles du monde de la mort. On est constitué par différents paliers mobiles quand on vient au monde. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, si je veux tourner à droite puis que Mars m'oblige à tourner à gauche, Mars changera d'orbite. Moi, je tourne à droite. Signification, les biorythmes. J'ai déjà eu un biorythme. Puis ça se mélange à trois, quatre petites lignes. Là. Puis là, ici, il ne fallait pas que je fasse ça. Il fallait que je fasse tout. Puis etc. Quand c'est le temps d'acheter, c'est quand tu es en bas. C'est-à-dire que là, c'est le temps. Mais toi, tu es en bas, ton biorythme, tu n'achètes pas. Quand c'est plus le temps, la vente est finie, tu es en haut. L'achète. Là. Hein, le biorythme. Il a pris le bord du classeur rond. Justement, si nous n'avons pas de libre arbitre, On est tout foqués. On ne peut rien faire pour nous-mêmes. Par nous-mêmes. Commentez. On ne peut rien faire par nous-mêmes en tant qu'égaux. C'est évident. On ne peut rien faire par nous-mêmes en tant qu'esprit. C'est évident pour l'instant. L'esprit n'est pas encore assez puissant dans l'homme. Mais commençons au moins à s'amuser, à rire. Je veux pas sortir. Je m'habille. Et je veux pas sortir. J'ouvre la porte. Au lieu de me frustrer, là, je devrais rire en tabarnouche. Avec ces comiques. Je veux pas sortir. Je suis dehors. Je veux pas y aller voir le film. Je veux me coucher. Pas capable. Je rentre dans l'automobile, ben non, je rentre dans l'autobus. Puis je vais voir le film que je vais pas aller voir. Avec un ami qui m'a tout manipulé pour que j'y aille et que je voulais pas sortir. Je me mets pas à broyer que je suis faible, que je suis tarlat, que je suis tapette. Non, c'est que c'est comique. C'est que c'est comique. J'ai de la conscience, puis là, je me rends compte comment ça se promène. Je regarde le film que je veux pas voir. Puis j'arrive même à le trouver bon. Et ça va bien. Puis en sortant, je me dis, ben, j'ai bien fait. Je voulais pas, mais une fois que j'y étais, ben là, je me rends compte que... Et torieux, c'est génial. C'est pas moi pantoute qui dirige. Mais ça permet à la conscience de ce type d'apparat. Commence à rire, commence à s'amuser. C'est plaisant, c'est une vraie farce. Puis une farce, c'est toujours comique. Sauf quand on la prend au sérieux. Là, on ne comprend plus. C'est comme, qu'est-ce qui est noir, blanc, rouge, noir, blanc, rouge? C'est une sœur qui déboule les escaliers. Qu'est-ce qui est noir, blanc et qui rit aux éclats? Ben, c'est la sœur qui l'a poussé. Mais là, la personne, elle va dire noir, rouge, blanc, elle déboule, pas signe. Pauvre sœur. Ben, c'est ça quand on prend une farce au sérieux. C'est toujours triste. C'est toujours con, une farce au prix au sérieux. Une sœur dirait, hey, c'est-tu niaiseux? Non, c'est comique. Un newfie qui prend au sérieux les farces, c'est le gars qui s'en va avec son skidoo puis qui cale dans la glace, puis son deux dessus, il y en a un qui ressort, puis attend son chum sort pas. Au bout d'une demi-heure, ben, il plonge voir, puis il voit son chum qui est dans le fond du lac. Ben, newfie va dire, ben voyons donc, c'est pas vrai, on fait pas ça. Mais c'est une farce. La vie, c'est une farce. La prendre au sérieux, c'est très pénible. Alors, quand on évolue, les barbites, on finit par l'avoir, les barbites, quand on sera tous intelligents en même temps. En attendant, on peut rire. Il y a de quoi rire. Justement, comment fait-on pour changer de souffrance, pour améliorer son sort financièrement? Quand tu es toujours à couper les sous en quatre, c'est fatigant. Oui, ça, je comprends. Premièrement, c'est vendre votre paire de pinces. Dans la pauvreté, il y a deux techniques. Celle qui entretient la pauvreté, celle qui permet d'arriver à la richesse. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent et qui apprend à contrôler la valeur monétaire et qui arrive à accumuler de l'argent pour se libérer de la matière a une magistrale clé pour devenir un maître. Celui qui est pauvre et qui continue à agir en fonction de survivre n'arrive pas à se changer. Celui qui est riche et qui ne connaît pas la valeur, c'est la même chose. C'est un pauvre qui s'ignore. Placer le pauvre, il va rester pauvre. Riche, il reste riche. Mais c'est pas lui qui travaille. Comment fait-on pour changer de souffrance? Ça s'explique. Ça se fait. On en a parlé, voilà, une ou deux conférences. C'est très vaste comme question. Et surtout comme réponse. Ça dépend de l'individu. Ça dépend de tout ce qui le constitue. Sur des choses qu'on peut aborder ou qu'on aborde à un moment donné. Ainsi, on n'a plus de temps à discuter. Mais comme ça, là, c'est très complexe. Quand tu es toujours à couper les sous en quatre, c'est fatigant. Alors, je vais quand même amener un petit point qui est dangereux. Ne dites pas, ben, je l'ai fait, ça n'a pas marché, fait que c'est la faute à Daniel Kim. Non, moi, je dis des choses. Appliquez-les pas. De temps en temps, on doit tester l'intelligence, la vie. Si c'est intelligent d'arriver à faire telle chose, faites-le. Et qui se démerde en haut? De temps en temps, moi, il y a des choses que je devais faire. Je travaillais, j'étais épuisé, j'étais tanné, j'étais écœuré, je n'avais pas de santé. Et apparemment, c'est intelligent ce que je faisais. Ah, c'est ça, ben, si c'est intelligent, qu'est-ce qu'elle s'en occupe, l'intelligence? Pendant deux, trois semaines, là, je m'en vais en Floride. Je partais. Je revenais. Et c'était encore là. Mais bon, tant pis. Je recommence à travailler comme avant, pas plus. Plusieurs fois, j'ai démissionné d'emploi. J'allais au Guatemala, j'allais à Chicoutimi, j'allais au Pérou. Plein de places comme ça sous-développées. Bon. Ça, c'est une farce, quoi, demain. Oui. Chicoutimi, c'est pas sous-développé. Joli. C'est pour dégeler un peu, là. Et je revenais, j'avais un autre emploi. Ah oui, mais c'est parce que c'est toi. Non, c'est pas parce que c'est moi. J'ai toujours eu un nouvel emploi parce que j'avais quitté le précédent. Alors, on change de souffrance quand de temps en temps, on tente sa chance. Ça l'aide. On peut se rempirer. C'est parce qu'on le fait émotivement. On n'a pas de raison intelligente de bouger. On n'a pas été chercher les clés qu'il fallait. Puis même là, on ne peut pas devenir plus pauvre que pauvre. Ah, pour l'humain, c'est souffrant. Il y en a pour qui avoir 10 000 en banque, c'est pauvre en tabarnouche. Il y en a pour qui avoir 10 piastres dans leur poche, c'est riche. Et c'est encore une question d'ego. La question est très vaste. Ce serait le sujet soit d'une conférence ou c'est des choses qu'on aborde plus au niveau du séminaire, au niveau d'éliminer certains karmas. C'est trop vaste. S'entourer d'une lumière blanche nous aide. C'est très plaisant, oui. C'est surtout s'il fait froid, parce que ça dépend. Si c'est au halogène, ça réchauffe. Oui. Ça nous aide-t-il à se transformer? Parce qu'évidemment, la personne ici nous parle de du halo que l'on crée autour de soi. Tant qu'on en a besoin et on le fait, ça nous sécurise. Ça ne nous protège pas, mais ça nous sécurise. Et c'est tout. Ici, j'ai un bon énoncé, un long énoncé. Les animaux humains ne voulaient pas venir sur Terre puisqu'ils ont laissé leur conscience hors d'ici. Ceux qui sont descendus avec leur conscience sont ceux qui sont vraiment conscients et aussi qui veulent le plus quitter. Finalement, la conscience ne se plaît pas sur Terre. Qui est vraiment luciférien? Celui qui veut sacrer son camp, qui n'a pas descendu sa conscience? Bon, l'énoncé est un petit peu faux dans certains points. Les animaux humains ne voulaient pas venir sur Terre puisqu'ils ont laissé leur conscience hors d'ici, non. L'animal humain, c'est le corps physique investi d'un virus qu'on appelle l'âme. Lorsque la conscience est arrivée ici, dans un monde refroidi, un monde en phase d'involution, elle ne pouvait pas se permettre de se refroidir au niveau du système d'involution, au niveau du système planétaire. En réalité, c'est un système de galaxie. Alors, des parcelles de la conscience sont descendues, lentement réchauffer le système galactique, et au fur et à mesure de l'évolution des temps, à une vitesse relativement rapide, à coups de milliards d'années, la conscience continue à descendre et elle réchauffe le contexte. Lorsque le contexte est suffisamment réchauffé, disons évolué, la conscience qui descend est refroidie à un niveau moins bas. Donc, l'humain semble se réchauffer, évoluer. L'animal humain, c'est la prémisse de ce qui est constitué. L'humain, c'est celui qui commence à se réveiller. L'être humain, c'est celui qui est maintenant au-delà de la... celui dont l'ego a la conscience de la présence de l'intelligence. Et l'être, c'est celui qui maintenant contrôle totalement le phénomène. Il n'y a plus d'animal à l'intérieur, donc il n'y a plus de mémoire expérientielle comme l'âme animale, ce qui anime les corps physiques des animaux. Qu'est-ce qui est luciférien? Luciférien est ésotériquement un porteur de lumière. Nous sommes donc luciférien, c'est-à-dire que nous sommes de la lumière terrestrifiée. Et luciférien est le phénomène qui, dans la conscience de l'homme, l'oblige toujours à regarder vers le ciel, à vouloir s'en aller, à ne pas oublier qu'il est d'essence énergétique. Espritique. Et il y a le phénomène arimanien et satanéen qui confine l'homme à aimer aussi la matière, pour que l'homme accomplisse sa tâche, reste matière et accumule de la lumière. Si l'être humain serait exclusivement arimanien ou satanéen, il oublierait totalement et il deviendrait du crapaud. Si l'être humain serait exclusivement luciférien, on ne resterait même pas sur la planète Terre, on serait même plus depuis bien longtemps, on serait parti. Parce que nous sommes suffisamment gelés pour oublier ce que nous faisons ici, nous avons créé deux contextes. Un contexte gustatif, sensoriel, astral, satanéen et arimanien qui nous permet d'aimer la matière. Et en même temps, on a créé un contexte luciférien, espritique, qui nous permet aussi de vouloir monter plus haut. L'alliance entre les deux, la matière lumineuse, devient la spiritualité. Et à un moment donné, l'humain doit passer à une autre étape, au-delà. Une chose certaine, c'est qu'à travers tout ce qui arrive à l'homme, il y a des responsables, des causes, qui échappent à l'homme. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, on aborde le cosmos coupable ou non coupable. On va faire un procès. Et vous serez peut-être le jury. En attendant, on ne se prend pas au sérieux. Quand il pleut, il pleut. Quand il neige, il neige. Quand on a faim, on mange. Quand on n'a pas faim, on mange plus. Bonne semaine.